les ONG pouvaient disposer des devises à partir d'abord des transferts au niveau des budgets utilisables ici sur place et aussi au niveau des visiteurs. Deuxièmement, à environ de plus de 130 ONG. En France, la contrepartie, ça arrive à plus de 100 milliards, même 150 milliards. C'est un budget, presque 20% de la capacité de collecter des ressources intérieures. Ces fonds, ils logent dans les institutions bancaires et financières pour soutenir l'épargne qui était déjà déficitaire au niveau des ménages burundais et les soutiennent les activités des institutions financières au niveau même de la capacité de donner des crédits. C'est pour dire donc que même les banques... Ils sont immédiatement touchés. Vous savez que c'est dans nos pays pauvres, on aime dire que l'État c'est le premier consommateur. Après l'État, le secteur des ONG devait parier sur le déficit au niveau de consommation. Les hôtels, des fois on voit des hôtels qui sont occupés une semaine, deux semaines, là aussi ça aide. Et au niveau des employés qui vont s'occuper votre en chômage technique aujourd'hui, ces ONG pourraient avoir même fait des commandes, chercher des fournisseurs divers qui ont même aussi contacté des crédits. C'est toute une chaîne. Les ONG s'étaient déjà intégrées dans le circuit économique burundais qu'il est difficile de détacher leur contribution au niveau des fonctionnements des rouages économiques, au niveau social, l'assistance au niveau des médicaments, sida, tuberculose, la malnutrition infantile, l'engrais chimique, les meilleures semences, l'alimentation en eau potable. Ce sont des services quand même très énormes qui même touchaient les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, la catégorie débattoire. Vraiment, dans un pays où même 70% de la population seront même les récentes publications de la situation du développement humain du PNUD de 2018 qu'on a travaillé vendredi passé. Plus de 70% des Burundais sont dans une pauvreté extrême, avec plus de 85% dans certaines provinces, dans un contexte de tarissement alors des appuis des bailleurs, d'investissement, les ONG viennent pour essayer de pallier à ce vide. Nous sommes dans un contexte assez difficile. J'imagine alors que plutôt il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse, de la sagesse. Je crois qu'une discussion riche et profonde doit être organisée, notamment parce que le gouvernement doit créer cet environnement. Ce sont des appuis extérieurs qui sont très intéressants. Encore, le gouvernement doit connaître que même ces ONG ont des convictions. Ils sont des organisations non gouvernementales qui ont une philosophie. La façon dont ils doivent, qui doit aussi être respectée. L'État doit voir comment tirer son épingle du jeu, mais sans toutefois causer un tort. On ne peut pas résoudre un problème en en créant d'autres qui risquent de nous engloutir. Par contre, l'association CAPES Plus se dit satisfaite de la mesure prise par le Conseil national de sécurité sur la suspension des ONG internationales œuvrant sur le territoire burundais pendant une période de 3 mois. Selon Hamza Velan Mburikukiye, le représentant de cette association, ces ONG doivent travailler conformément à la loi et doivent également éviter toutes sortes de discriminations dans leurs activités quotidiennes. Le représentant de CAPES Plus fait savoir que même si ces ONG apportent des devises dans le pays, le Burundi doit garder sa souveraineté. Suivez. On devait se lamenter si ces ONG vraiment étaient vraiment sanctionnées injustement. Mais sinon, nous autres, même au sein de CAPES Plus, à part que nous sommes nous-mêmes attaqués pour être témoins de cette inconstance amère vis-à-vis de la méconduite de ces ONG, nous sommes aussi victimes de la façon dont ces ONG travaillent et surtout dans les appuis et collaborations sélectives. Cette mesure serait un clin d'œil pour le traitement de ces ONG afin qu'elles puissent œuvrer dans l'intérêt du Burundi et du peuple burundais, ainsi que dans le respect des lois burundaises et des conventions signées entre elles et les institutions gouvernementales. Je crois alors qu'il n'y a pas à se lamenter. Tout ONG qui veut travailler vraiment devrait alors se conformer aux lois et se conformer aux conventions signées. Ces ONG font entrer des devises au niveau des trésors publics. Est-ce qu'aujourd'hui ce ne serait pas une perte pour l'achat de tous ces produits qui nécessitent l'approvisionnement des caisses publiques en devises? Je crois que même les autorités qui ont pris cette mesure ne sont pas aussi bêtes à se laisser perdre des devises qui devaient servir la nation pour qu'ils osent prendre cette mesure, ce qu'ils avaient vu le pour et le contre. Il faut qu'ils se conforment à la loi et surtout respecter le pays souverain et respecter la société civile dans toute sa diversité, sans injustice ni discrimination. Par rapport à des gens qui travaillaient dans ces ONG dont la vie dépendait du salaire qu'ils percevaient dans ces ONG, 3 mois de suspension, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un impact sur la vie de la communauté? Je le dis encore une fois, l'impact, c'est l'impact positif. Dans le travail des ONG et de la société civile, il faut chercher des actions qui se pénalisent. Donc vraiment, demander à quelqu'un de se conformer à la loi, c'est chercher comment il va se pénaliser dans son travail. Sinon vraiment, la sous-estimation et les intérêts illusoires et précaires n'ont pas de valeur. Mais par contre, les intérêts vraiment qui durent et qui sont honorifiques, c'est ça les intérêts qu'on cherche. Les intérêts individuels ne peuvent pas primer aux intérêts de la nation. Mais certains citadins de la mairie de Bujumbura disent avoir accueilli défavorablement la décision de suspendre les ONG pour 3 mois. Ils trouvent que la dite décision va entraîner des conséquences pendant ces 3 mois. Ils demandent au gouvernement de consulter préalablement ces organisations avant de prendre une décision définitive. Suivez le micro-baladeur de la radio Isanganiro. C'est avec amertume que nous avons accueilli cette mesure. Nous ne comprenons pas les ONG qui aidaient les personnes vulnérables et dans le développement économique et social du pays. Donc, suspendre ces ONG pour des raisons de structure interne, c'est incompréhensible. Avant de prendre de telles mesures, il devrait y avoir un consensus avec les concernés parce que cette mesure ne pèse que sur la population. Les familles qui vivaient de ces ONG ou les familles qui avaient contracter des dettes, on se demande comment on remboursera les banques et qu'est-ce qui s'en suivra. Les aides que donnaient ces ONG seront compensées par quoi? Cette mesure a été mal accueillie parce que c'était une mesure qui affecte la population burundaise alors que tout ce qu'on fait, c'est pour la population. Alors, ça affecte d'abord le personnel pour la ration des enfants, pour l'éducation des enfants, pour la santé de leurs enfants et tout ce personnel qui avait déjà même des engagements bancaires. Donc, il y aura un problème au niveau du personnel. Un autre impact négatif sur les activités déjà en cours et des services aussi de ces ONG en partenariat avec les ONG locales. Il y a aussi la population en général qui va souffrir. Une mesure qui tend à suspendre les ONG internationales EVRA dans ce pays, laquelle mesure qui pourra avoir un impact négatif pour la population vulnérable. En l'occurrence, ceux qui sont malades et appuyés par les dites ONG. Une mesure qui tend à suspendre les ONG internationales EVRA dans ce pays, laquelle mesure qui pourra avoir un impact négatif pour la population vulnérable. En l'occurrence, ceux qui sont malades et appuyés par les dites ONG. Nous demanderions alors au gouvernement de mener un dialogue constructif, un dialogue pour trouver des solutions à ce que le gouvernement dit comme difficulté entre lui et les ONG, pour que, au lieu d'arrêter, on puisse trouver d'autres alternatives. Par conséquent, l'ONG Care Burundi a pris la décision de suspendre temporairement les interventions des programmes financés par ces subventions à partir de ce lundi 1er octobre. Dans une correspondance adressée à ses partenaires, le directeur de Care Burundi indique que cette décision est motivée par le communiqué du Conseil national de sécurité portant suspension des activités des ONG étrangères durant la période de 3 mois à compter du 1er octobre 2018. Care Burundi demande aux partenaires de suspendre temporairement toute intervention et dépense dans le cadre des projets menés en partenariat avec cette organisation. Care Burundi précise dans cette lettre que l'accès à ces bureaux est interdit, même pour les partenaires. La circulation des véhicules et motos de cette organisation est interdite et le personnel de terrain est prié à les déposer à ces bureaux ou ceux des organisations partenaires. Cette correspondance précise également que les voyages prévus pour tout staff et partenaire dans le cadre des programmes en partenariat et financement avec Care Burundi à partir de ce lundi soient également suspendus. Je vous l'avais dit en titre, le fonctionnement des ONG est accordé par le ministère ayant les relations extérieures dans ses attributions et devient fonctionnel 3 mois après son agrément. Une organisation ne respectant pas ses obligations est contrainte à une suspension de la Convention générale de la coopération sans préjudice à l'application de la loi pénale burundaise comme contenu dans la loi portant cadre général de la coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères de l'année dernière. La compétence de la suspension de ces ONG revient au ministère des Relations extérieures. Moïse Misako. Dans cette loi portant cadre général de la coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères, signée le 23 janvier 2017, l'article 25 stipule que l'organisation qui ne respecte pas ses obligations s'expose, entre autres, à la suspension de la Convention générale de la coopération sans préjudice à l'application de la loi pénale et autres lois de la République du Burundi. L'article 26 de cette loi stipule que l'agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 3 peut être retiré par une décision prise par le ministère ayant en charge les relations extérieures et la coopération internationale, notamment lorsque des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets et programmes, lorsque les activités de l'ONG ne correspondent plus aux buts et objectifs définis par ces statuts, soit en cas de violation flagrante des dispositions de la loi régissant les organisations non gouvernementales au Burundi. Dans ce cas, l'ONG dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites au ministère des Relations extérieures de la coopération internationale. Dans cette loi signée le 23 janvier 2017, à l'article 27, les ONG et leur personnel expatrié s'engagent à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur au Burundi. L'article 18 de cette loi stipule que tout engagement du personnel expatrié par une organisation non gouvernementale est subordonné à la demande et à l'obtention de son agrément. À condition égale, l'expertise burundaise est privilégiée. Le recours du personnel expatrié se fait lorsque l'expertise recherchée n'est pas disponible au Burundi. Le recrutement du personnel local doit se faire dans le respect des équilibres ethniques et genres disposés dans la Constitution de la République du Burundi. L'article 22 de cette loi précise que les organisations non gouvernementales doivent fournir au gouvernement du Burundi un rapport semestriel et annuel sur les activités, un budget et programme de leur intervention pour l'année suivante. L'article 16 de cette loi oblige ces organisations à respecter le règlement bancaire en vigueur en matière de change. Toutes les organisations doivent avoir un compte en devise à la Banque centrale de la République du Burundi, BRB. À l'article 9 de cette loi, chaque organisation désirant s'installer et intervenir au Burundi doit payer une somme de $500 représentant les frais administratifs n'ayant aucune incidence sur les démarches d'agrément. Merci Moïse Misago. Et entre-temps, une réunion entre le ministère de l'Intérieur et les ONG étrangères vont au Burundi est prévue ce lundi. C'est le contenu de l'invitation sortie par ce ministère. C'était en début de ce week-end. Fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis également merci à Riku Wimana pour la mise en onde d'Eli Nibel Nibigila. Je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi dominical. Au revoir.